cachée. Qu'un ne soit pas étanché. Allez. Sur ce mal, la violette pour se poser. J'ai peut-être bronzé les déposés. Pour la bande et pour sortir de son séance. Pour se payer un chip de député. Hiroshima dans ta tête. Allez. L'après soir on a retrouvé Marilyn. Quoi, ton cœur dans sa partie. Plus besoin de cœur, plus besoin de pêche. Réparti et par son père la chaise. Hiroshima!